Selon Yonhap News de Corée du Sud, le navire de poursuite de missiles Howard Lorenzen de la marine américaine est entré le 12 février au port de Busan. C'est la première apparition en Corée du Sud de ce navire équipé des radars des bandes X et S. Sous prétexte d'une provocation d'autrui, les États-Unis accroissent les forces armées dans la péninsule coréenne et à ses environs. Leur tentative de disposer SAD est aussi dans ce cadre. Ce pays envisage d'appeler la flottille du porte-avions nucléaire Carl Vinson pour les exercices militaires conjoints prévus en Corée du Sud en mars. Les escadrilles des bombardiers stratégiques nucléaires à Guam et au territoire américain et les avions de combat furtifs au territoire japonais et à Okinawa aussi se préparent pour le vol vers la Corée du Sud.